1910, sola facit venenum, seule la dose fait le poison. Jusqu'à très récemment encore, cet adage de Paracelse était encore de rigueur quant à l'étude de la toxicité d'un composé chimique. Mais depuis quelques années, il semblerait qu'il n'y ait pas que la dose d'exposition à une molécule qui en détermine la nocivité. Une très faible exposition combinée à plusieurs molécules d'ordinaire inoffensives à ces doses peut devenir cytotoxique ou perturbatrice pour certaines fonctions comme les fonctions hormonales. C'est ce que l'on appelle l'effet cocktail, soit la combinaison délétère de composés auxquels nous sommes en contact au quotidien, et c'est un immense et complexe continent de la recherche qui est en train de s'ouvrir. L'effet cocktail, il n'y a pas que la dose qui fait le poison, c'est le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner cette épineuse question, comme vous allez l'entendre, des effets cocktails, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Barbara Domenex. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes biologiste, professeur de physiologie au Muséum National d'Histoire Naturelle, auteur, entre autres, de Cocktails toxiques, c'est chez Odile Jacob. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier avec William Bourguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM au Centre de biochimie structurale à Montpellier. Vous pouvez suivre cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en podcast comme tous les jours, et également sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors je le disais en introduction, comme le directeur de recherche à l'INRA, Guy Fauconneau, dans cette archive de 1972, les produits chimiques, oui, mais pas trop. Il est évident qu'on est amené également, déjà au cours de la fabrication, à employer des produits qu'on appelle pesticides, herbicides, insecticides, et que là, le contrôle de ces produits doit être fait dans de très bonnes conditions, de façon à protéger le consommateur contre l'introduction, je ne dirais non pas contre l'introduction, abusive de ces produits. Oui, je crois qu'il faut employer ces produits. Il faut dire tout de suite qu'il est nécessaire d'en employer un peu, mais il ne faut pas en employer trop. Il ne faut pas avoir l'habitude d'employer trop d'herbicides sous prétexte d'avoir des blés absolument sans herbe et d'employer n'importe quel herbicide dans n'importe quelle condition. Par ailleurs, il ne faut pas employer d'insecticides dans les étables où il y a actuellement des vaches traites. Il faut sortir les vaches pour employer les 10 insecticides, etc. Ne pas en mettre dans les murs, sur les murs que les vaches risquent de lécher, etc. Il y a donc un véritable contrôle de ces produits et surtout ne pas vouloir trop en utiliser. Voilà, nous sommes en 1972 dans l'émission Découverte sur France Culture. Cette conception aujourd'hui du produit chimique Barbara Domenex, elle a évidemment un peu évolué. Oui, il faut déjà dire que depuis les années 70, les données des Nations Unies montrent qu'il y a eu une augmentation de 300 fois des produits chimiques dans plusieurs types, pas seulement les pesticides et les insecticides, les plastifiants, etc. Et donc, comme a dit Linda Berman, une directrice de les Instituts nationaux de santé environnementale aux États-Unis, c'est pas étonnant qu'on vit dans une soupe chimique, on est toujours, dès notre naissance et dès notre conception, on est contaminé par des produits chimiques. William Bourguet, c'est vrai que l'exposition à ces molécules de synthèse, elle a littéralement, comme vient de le dire Barbara Domenex, explosé en moins d'une centaine d'années. Oui, c'est ça. Depuis une bonne cinquantaine d'années, on a une explosion des composés chimiques que nous utilisons quotidiennement et qui fait un parallèle aussi avec l'augmentation de certaines pathologies, notamment des maladies comme le cancer, l'obésité, des choses comme ça, qui est assez inquiétante. On peut faire un parallèle assez rapide, en fait. Alors, je vais prendre le contre-pied exact de ce que vous venez de dire. En même temps, depuis 50 ans aussi, Barbara Domenex, l'espérance de vie n'a jamais été aussi importante et l'espérance de vie en bonne santé continue d'augmenter régulièrement. Ah, pas l'espérance de vie en bonne santé. Ah, au contraire, l'espérance de vie, déjà, ça stagne. OK. Et dans certains pays, ça diminue. Mais c'est surtout l'espérance de vie en bonne santé qui diminue et il y a un écart qui se creuse continuellement. William Bourguet sur cette question. Oui, je pense qu'en fait, effectivement, on vit de plus en plus vieux, même si ça stagne, parce qu'on a les traitements. On a mis un petit peu au point des antidotes qui permettent de traiter les maladies qui sont induites par les poisons qu'on génère également avec tous ces produits chimiques qui nous environnent. Oui, voilà. Et donc je pense que quand même, William a parlé des cancers du système reproducteur, de diabète, de maladies métaboliques, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a ce qui touche les enfants, surtout la puberté précoce, les troubles du développement sexuel qu'on peut voir chez les petits garçons. Je suis certain que Bernard Jégou va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Mais ce qui me concerne, c'est quand même les maladies neurodéveloppementales, l'augmentation de l'autisme, le spectrum. Des troubles du spectre autiste, le trouble de l'attention, etc. Et en parallèle, une baisse quand même dans certains pays qu'on a bien constaté. Et surtout quand on fait des études au niveau de l'épidémiologie pour voir l'exposition des femmes enceintes, que ça peut affecter le QI de l'enfant à naître. Alors on va voir que l'un des grands problèmes, c'est de réussir à trouver des liens de corrélation entre tout ce que vous venez de décrire, de toutes ces troubles, de ces maladies diverses et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire de ces effets cocktails, de ces produits chimiques. Peut-être faut-il commencer, William Bourguet, par revenir sur ce que je disais dans l'introduction, c'est-à-dire dosis sola facit wedenum. Jusqu'à présent, quand on évalue un nouveau composant, une nouvelle molécule, eh bien, il y a des critères très classiques, respectés, pour voir à quelle dose cette molécule peut devenir ou non toxique. Oui, tout à fait, oui. Alors déjà, il faut dire que on peut considérer que les produits de synthèse qui sont disséminés dans l'environnement se comptent par dizaines de milliers. On compte environ 100, 150 000. Oui, et sur ces 100 et 150 000 composés, tous ne sont pas nécessairement des perturbateurs endocriniens. Mais il s'avère que très peu, en fait, un très faible pourcentage de ces composés ont effectivement été testés pour leur activité de perturbateurs endocriniens. Donc on ne sait pas exactement combien de perturbateurs endocriniens il existe dans l'environnement. Et en plus de ça, effectivement, ces composés, on les évalue pour leur toxicité de manière individuelle, pris un par un, évidemment, oui. Barbara Domenex, William Bourguet vient de lâcher le mot qui va revenir beaucoup de cette expression perturbateur endocrinien. Quand on parle d'effet cocktail, on parle exclusivement de perturbation des systèmes endocriniens ou est-ce que non, c'est plus large non, que ça? Non, parce qu'il y a la pollution atmosphérique, etc. Et comme a dit William, pas tous les composés auxquels on est exposé sont des perturbateurs endocriniens. Mais il y en a beaucoup. Et moi, je travaille sur le système thyroïdien. La thyroïde, ça contient une molécule halogénée. Ça contient un halogène, c'est de l'iode. Et beaucoup de ces substances qui sont mises sur le marché contiennent un autre halogène, soit le brome, soit le fluor, soit le chlore. Et donc, ils ont la capacité d'interférer avec les hormones thyroïdiennes qui sont essentielles non seulement pour le développement du cerveau, mais c'est pour ça qu'on teste chaque enfant qui naît pour savoir si il a ses hormones thyroïdiennes pour assurer le bon développement de son cerveau, mais aussi pour l'équilibre métabolique et donc pour les taux de graisse chez quelqu'un. Si on est hyperthyroïde, on perd du poids. Si on n'est pas assez d'hormones thyroïdiennes, on prend du poids, etc. Donc vraiment, ça affecte tout notre organisme, ces composés halogénés qui peuvent interférer. Ils interfèrent pas tous, mais beaucoup interfèrent avec le système thyroïdien. À partir de quand, William Bourguet, commence-t-on à supposer, à pressentir ces effets combinés des différentes substances qui sont, peut-être on peut en faire une liste non exhaustive parce que ce serait trop long, mais en tout cas les grandes familles de ces substances, on l'a dit, Barbara Domenex l'a dit, il y a les plastifiants, peut-être vous pouvez nous dire un peu de quel type de molécules on parle. Alors en fait, on est complètement, comme disait Barbara tout à l'heure, on vit dans une soupe chimique et ces constituants exogènes, hein, qui ne sont pas des composés biologiques et pourtant qu'on a dans notre corps parce qu'on y est exposé, on les trouve en fait partout effectivement. Donc on parle très très souvent des bisphénols et notamment du bisphénol A qu'on trouve dans les plastiques, les résines. Il y a les phtalates également qui sont dans les plastiques, surtout pour les plastiques mous, notamment les tubulures dans les hôpitaux, c'est pour le goutte à goutte. Ça, ça contient beaucoup de phtalates, des dérivés halogénés du bisphénol A, comme Barbara y faisait allusion tout à l'heure, qui sont des retardateurs de flamme hein, qu'on trouve dans énormément de composés, de constituants qu'on a à la maison, hein, dans les rideaux, dans les tissus d'ameublement, dans les ordinateurs. Voilà, donc beaucoup de pesticides, des composés perfluorés sont également reconnus comme étant des perturbateurs endocriniens. Qui sont utilisés pour quoi ces composés-là? C'est beaucoup pour les surfaces anti-adhérentes dans les ustensiles ménagers et également comme imperméabilisant dans les vêtements. Mais aussi dans les moquettes, etc. Contre la pluie. Oui, dans les moquettes, voilà, les moquettes et des rideaux encore. Voilà. Mm-hmm. Là, les benzophénones comme filtre anti-UV dans les crèmes solaires, les alkylphénols dans les surfactants, voilà, organoéthanes qui en sont énormément utilisés aussi. Enfin, il y a en gros, dans les cosmétiques, on a beaucoup de perturbateurs endocriniens, dans l'alimentation. Ouais. Alors, on en trouve un petit peu partout, en fait. Alors, c'est vrai, quand on entend cette liste-là, c'est assez terrifiant. Là, Antoine Beauchamp vient de devenir tout pâle à côté de moi. Non, mais c'est vrai que c'est assez préoccupant. Il faut tout de même préciser que toutes ces molécules-là, avant d'être mises sur le marché, elles ont suivi des tests ou pas. Parce que normalement, il y a des doses, on en a parlé autour de cette table plusieurs fois. On parle de la dose journalière acceptable, de la dose sans effet nocif observable, de toutes ces doses qui disent que, bon, finalement, ces molécules, si on les met en circulation aux doses où elles sont en circulation, il n'y a pas de dangerosité pour l'homme ni pour l'enfant parce que les doses sont très très faibles, sont tout de suite diminuées par 100 ou 1000 par rapport aux doses nocives. Barbara Domenech, que faut-il en penser ? C'est pas strictement vrai. William a déjà dit que tous ces molécules n'ont pas subi tous les tests de perturbation endocrinienne, loin de ça. Et même les molécules qui sont les plus testées sur le marché, qui sont les pesticides et les biocides, EFSA, qui n'est pas connu pour ses rapports c'est l'Agence européenne de santé sanitaire. Oui, et ils ont quand même publié il y a 5 ans, un rapport disant que sur 287 pesticides qu'ils avaient testés, 101 avaient des actions sur le système thyroïdien et 87 autres avaient des effets de neurotoxicité, peut-être à des faibles doses, mais ok, on est exposé, et ça c'est des pesticides sur le marché. Et donc, vraiment, ils sont testés, mais pas suffisamment, et on peut critiquer la manière dont ils sont testés et les dossiers qui sont faits. On va en parler justement dans un instant. William Bourguet, sur le fait que, encore une fois, il y a tout de même des normes et des procédés de vérification d'innocuité qui sont tout de même respectés pour que ces molécules-là ne soient pas immédiatement toxiques. Sinon, on serait certainement pas là pour en parler, d'ailleurs, compte tenu du panorama que vous décrivez, William Bourguet. Oui, la plupart du temps, je pense qu'on les doses qui sont contenues dans notre organisme sont relativement faibles, mais on a vu qu'il existe certains mécanismes qui font que malgré tout, même à des doses faibles, ces composés peuvent avoir un impact sur l'organisme. Donc on verra tout à l'heure, je pense, l'effet cocktail, hein, puisque cet effet cocktail, en fait, c'est de dire que des molécules, quand elles vont être ensemble, vont avoir une activité biologique ou une toxicité qui va être accrue par rapport aux molécules qu'on prend indépendamment. Et ces molécules sont testées pour leur toxicité de manière indépendante. Puis après, il y a d'autres mécanismes qui peuvent augmenter la toxicité des composés. C'est par exemple la bioaccumulation. Mm-hmm. Il y a une étude qui a montré, par exemple, que le chlordécone, qui est un pesticide qui a été longtemps utilisé En Martinique, aux Antilles, dans les plantations de bananes. Voilà, il y avait un lien très fort avec le cancer de la prostate et apparemment, ce composé se concentre beaucoup dans la prostate. Donc, les perturbateurs endocriniens ces molécules chimiques sont aussi souvent très lipophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment bien se concentrer dans les graisses, ce qui fait qu'au final, les concentrations dans l'organisme, dans certaines parties de l'organisme, peuvent être supérieures à celles qu'on observe dans l'environnement, et du coup, là, cet effet de concentration peut augmenter la toxicité des molécules. Et puis, il y a encore d'autres mécanismes. Qu'on va détailler dans quelques instants. Oui, voilà. Barbara Domenech. Oui, il faut dire que, il y a déjà ce que William a décrit, mais il y a d'autres choses. Il y a des populations vulnérables. Et c'est surtout la femme enceinte et les petits-enfants. Nous savons déjà que ces molécules, qu'ils soient perturbateurs endocriniens ou pas, se trouvent à forte dose, pour certaines, dans le liquide amniotique. Donc, un fœtus est entouré de son liquide amniotique et pendant les 9 mois où son cerveau est en train de se former ou le tissu adipeux est en train de se former, il est exposé à ce cocktail. Et donc, on peut quand même être très inquiète pour... Et c'est pas on a déjà fait des études où on a mesuré les taux de l'exposition d'une vingtaine de substances chez des femmes enceintes, et on a vu les conséquences sur les enfants, et on peut voir un retard de langage, ou un baisse de QI, ou des problèmes de développement sexuel, etc. Donc, c'est quand même très bien documenté pour certaines produits chimiques. Et on voit arriver aussi l'un des problèmes méthodologiques ou expérimentaux, c'est-à-dire que puisque vous décriviez tout à l'heure William Burgess, 143, 150 000 composés chimiques auxquels nous sommes soumis en permanence, si on fait juste un tout petit peu de mathématiques très simples pour comprendre lesquels interagissent avec lesquels, on arrive à des seuils statistiques qui sont incalculables et, enfin, en tout cas, dans un temps raisonnablement à l'échelle de l'espèce humaine, William Burgess. Oui, enfin, oui, bien sûr, oui, ça fait des milliards de combinaisons. Des milliards de milliards impossible. De milliards, on est, c'est, bon, c'est très très oui, haut. Oui, hein. Impossible de tester. C'est tout le problème de la perturbation endocrinienne qui est extrêmement compliqué à étudier. Déjà, une molécule après l'autre, c'est compliqué parce que les pathologies qui sont induites par ces perturbateurs endocriniens sont des pathologies qui sont multifactorielles, hein, on l'a vu, hein, c'est l'obésité, c'est les troubles comportementaux, c'est le cancer qui n'ont pas forcément une seule cause. Et donc, savoir quel est le poids de l'environnement dans ces pathologies est compliqué. Et ensuite, quand on doit effectivement prendre en compte les mélanges auxquels on est soumis, effectivement, alors là, la complexité devient beaucoup, beaucoup plus importante. Même d'un point de vue pratique, tester sur des animaux de laboratoire ou même sur des cellules des milliards de combinaisons de composés, c'est évidemment impossible. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h17, nous parlons de cet effet cocktail, c'est-à-dire comment ces différentes molécules, cette soupe chimique dans laquelle nous baignons de plus de 150 composés, finit par se réarranger au sein de nos cellules pour produire des effets nocifs qui n'ont pas été identifiés sur les molécules individuellement. Nous en parlons avec Barbara Domenex, qui est biologiste, qui est avec nous ici à la maison de la radio et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Héros Montpellier, avec William Bourguet, qui est directeur de recherche INSERM au Centre de Biochimie Structurale à Montpellier. Alors, pour comprendre comment fonctionnent concrètement ces effets cocktails et comment fonctionne la recherche autour de ces effets cocktails, eh bien nous sommes précisément allés voir comment on les étudie en laboratoire. Bonjour, Kenavo, Antoine Beauchamp. Pourquoi vous me dites au revoir? Non, bonjour, je vous dis Kenavo parce que vous Kenavo, êtes allé... c'est au revoir. Ah, c'est au revoir, mince. Ouais, c'est pas grave. Vous voyez, ça c'est mon niveau de bilinguisme français-breton, on est mal barré. Vous êtes donc allé à Rennes pour aller voir comment on travaille sur des modèles humains, sur des modèles de cellules humaines dans un laboratoire. Oui, et j'ai rencontré Bernard Jégou, qui est le directeur de l'Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail, l'IRSET, qui est situé sur le campus de l'Université Rennes 1. Dans les couloirs de l'IRSET, on croise aussi bien des chimistes que des biologistes ou encore des médecins et des statisticiens. Et c'est cette transdisciplinarité qui a permis l'an dernier à Bernard Jégou et à son équipe de mettre pour la première fois en évidence l'effet cocktail dans des cellules humaines et plus particulièrement des cellules de fœtus. Bernard Jégou nous explique comment cet effet a pu être prouvé et pourquoi aujourd'hui l'enjeu est de prédire les effets de mélange d'une multitude de molécules chimiques. Alors nous, on s'intéresse aux testicules, aux ovaires fœtaux, humains, et on s'intéresse aux testicules adultes. Et donc, on a essayé de transposer les grandes avancées sur des cellules ou sur des rats ou des poissons ou des amphibiens et d'adresser les questions sur le testicule humain fœtal et le testicule humain adulte. Alors dans la boîte à outils des mixologistes, j'appelle ça aujourd'hui la mixologie par analogie à la science de fabriquer en mélangeant des boissons, des cocktails justement, donc les mixologistes peuvent disposer de différents outils. Nous, on s'est adressé à un ponte au niveau international qui s'appelle Andreas Kortenkamp, qui est à Londres, et qui lui travaille sur de la modélisation. Donc, les limites de notre travail, c'est d'avoir créé des cocktails arbitraires et de tester ça sur des organes en culture. Mais je vous le dis, on ne peut pas le tester chez des humains dans leur vie de tous les jours. Et alors, la question, on s'est dit, bon, un individu de base, il est exposé quelquefois à des pesticides, il prend quelquefois des médicaments, pas oublier que c'est quand même des produits chimiques, même s'ils sont utiles. Ils sont exposés à des agents plastifiants, le bisphénol A ou les phtalates. Et on s'est dit, on va constituer une mélange, certes arbitraire, mais évocateur de ce qu'est la vie des humains actuellement, d'une femme enceinte d'un côté ou d'un homme. Et puis, on va mélanger ces molécules dans des conditions particulières. Quand on les mélange, il ne faut pas qu'il y ait une molécule dont les effets écrasent les effets de tous les autres. Donc on a testé les activités de chacune des molécules prises séparément. On a constitué notre cocktail en ajustant leurs puissances respectives. Et on a montré que l'effet de dose-additivité, donc l'effet cocktail, s'exprime effectivement, c'est-à-dire qu'une molécule prise seule, il faut telle concentration pour qu'elle ait un effet sur la production de testostérone dans le testicule fœtal ou adulte, et on se rend compte que quand on la mélange à des congénères d'autres origines, médicaments, pesticides, etc., eh bien, à une concentration beaucoup plus faible, il va déclencher le même effet. C'est ça la dose additivité, et la nouveauté, c'est que le concept, le paradigme d'effet cocktail a été montré sur des tissus humains. De quelles conséquences on parle sur la santé humaine et est-ce qu'on a déjà une idée des conséquences de ces effets cocktails que vous avez mis en évidence ? La première chose, c'est que c'est ça la science, si vous voulez. On peut, par exemple, sur une lignée cellulaire, sur des cellules immortalisées, montrer qu'il y a un effet cocktail. Certes, il faut en parler, mais il faut essayer d'approcher au plus près de l'humain, ou après tout, y compris d'espèces animales avec des problèmes de biodiversité. Donc maintenant, il n'y a aucun doute que des effets de collaboration sur des architectures moléculaires qu'on n'a pas encore compris, il y a des études qui se font dans ce sens, on en est au balbutiement, que des effets de synergie, d'additivité peuvent se produire. Et à ce stade, je crois qu'on dispose de suffisamment d'évidence au niveau expérimental, y compris d'ailleurs en France où on a des équipes très pointues dans ce domaine-là, maintenant pour se mettre dans une configuration de collaboration pour que la spécialité de chacun dans ce terrible défi qui consiste à percer ces mystères, il faut bien comprendre, nous on a testé là jusqu'à 11 molécules. On estime qu'il y a 100 000 à 150 000 molécules chimiques dans l'environnement. Donc on voit bien qu'on est au début et que c'est pas parce qu'on a montré ça sur des tissus humains qu'on a tout élucidé. Maintenant, il faut comprendre la vraie vie des expositions. Et c'est là qu'il y a une révolution technologique qui permet, par exemple, à partir d'un échantillon humain, je ne sais pas, c'est le liquide amniotique, puisqu'on parlait des fœtus, ou c'est le sang, ou c'est l'urine, ou c'est un placenta, mais de s'approcher de plus en plus de ce qu'est le mélange. Et comme on dispose d'outils ensuite, y compris d'ailleurs d'algorithmes ou d'arithmétiques de modélisation qui permet de savoir à partir de telle ou telle molécule ou telle famille de molécules, de faire de la prédiction d'activité, eh bien là, on est vraiment en ce moment dans une dynamique qui va nous faire avancer de façon évidente, justement parce qu'on se rend compte que ce n'est pas une dose forte qui suffit pour être toxique, même si c'est toxique, mais c'est cette collaboration entre les molécules qui peut vraiment mettre un certain nombre de membres de la population en danger quelquefois. Alors, sur quelles études autour de cette notion-là d'effet cocktail, vous travaillez en ce moment. Quelle est la suite que vous allez donner à ces travaux de recherche et comment vous faites évoluer finalement votre méthodologie ? Alors, notre première étude permet, ça c'est le formidable modèle de dose-additivité auquel nous a initié Andreas Korttenkamp, permet la prédictibilité des molécules. Donc on continue de faire du criblage de molécules, etc. Le deuxième point, c'est de s'inscrire dans la révolution technologique. À l'IRSET, au LERES, qui est le laboratoire EHESP et IRSET, on a acquis un appareil à qui tu dis « essaye de nous caractériser tous les produits chimiques que tu peux ». Et une fois que tu les as caractérisés, dis-nous à quelle concentration ils sont. Donc ça, c'est la vraie vie des mélanges. Ça peut être sur un placenta, ça peut être sur du liquide amniotique, etc. L'autre point, c'est la jonction avec les autres compétences. Vous, à l'ANSES, par exemple, qui avez la capacité de reconstituer les mélanges simplement, par exemple, à partir de l'analyse des régimes alimentaires, SVP, communiquez-nous le mélange que vous avez reconstruit. On va le tester sur nos modèles. Et puis, bien sûr, on s'inspire aussi de ce qu'a pu faire quelqu'un comme Barbara Domenech, où ils ont reconstitué à partir de toute la littérature mondiale ce qu'il y a dans un liquide amniotique. Voilà, vous voyez, on est dans la phase où on rassemble les compétences et où, en plus, on s'inscrit sur cette révolution technologique. Voilà les travaux de Bernard Jégou à l'IRSET dans le reportage. Du jour, une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Barbara Domenech? Ben oui, effectivement, c'est difficile et on va aborder comment, mais j'ai juste rebondi sur ce qu'il a dit à la fin. Oui, effectivement, nous, on avait au laboratoire avec Jean-Baptiste Fini, on a pris les 15 substances ubiquitaires auxquelles toutes les femmes sont exposées et on a pris des concentrations mesurées dans le liquide amniotique et on les a mélangées et on a vu des effets nets sur les hommes thyroïdiens, sur le nombre de cellules dans le cerveau, sur le volume de ces cellules, le rapport qui a changé entre les neurones et les glies, etc. C'est-à-dire que vous êtes parti finalement de ce que vous aviez, ce que vous avez trouvé dans la littérature, d'un prélèvement, donc non pas, comme vient de le faire Bernard Jégou, ce qu'on a entendu, c'est-à-dire sur une composition arbitraire, on est parti des méta-analyses, des données publiées dans la littérature, bien documentées, sur des 15 substances, on est parti de plusieurs jeux de données, mais on a établi quelles sont les 15 substances auxquelles tout le monde est exposé aujourd'hui, ad minimum 15 substances. Et on a mesuré on a vu les concentrations qui étaient rapportées dans la littérature. On a mis cette mélange, on a testé comme Bernard, on a testé chaque substance individuelle et moi, puis on les a mis ensemble. Et on a vu des effets très nets sur non seulement le cerveau de nos tétans. Oui, sur des modèles animaux. Oui, mais c'est des modèles animaux. C'est des modèles animaux. Oui, absolument. Chez Bernard Jégou. Oui. Mais un animal, oui, qui est quand même. Où vraiment la signalisation thyroïdienne est conservée, vraiment c'est 100%. Hein. Et on a vu non seulement les effets sur le comportement et la mobilité des tétards, mais aussi sur la structure du cerveau. William Bourguet, une réaction à ce reportage avant de vous poser d'autres questions sur justement la difficulté de tester et des travaux par ailleurs que vous avez effectués pour tester ces effets cocktails. Oui, je pense que ce qui est extrêmement important dans ce qu'a dit Bernard Jégou, c'est que le problème de la perturbation endocrinienne est tellement complexe que les maladies qui sont induites par ces composés sont multifactorielles et donc effectivement, c'est en regroupant nos forces et nos compétences qu'on arrivera à comprendre ce qui se passe et également à prévenir et à prédire la toxicité des molécules. Donc effectivement, il y a différents laboratoires qui ont des modèles et des compétences particulières. Donc Bernard Jégou a présenté les siennes, Barbara Domenech aussi. Il y a tout ce qui est donc le travail sur l'épidémiologie aussi, qui est extrêmement très important parce que ça montre ce qui se passe dans la vie réelle. Voilà, ça, il y a les modèles animaux, hein, où effectivement, on peut soumettre les animaux à des doses de composés chimiques, ce qu'on peut pas faire chez l'homme, bien entendu. Et puis, aussi, descendre encore, on peut travailler sur les molécules. Et nous, c'est plutôt notre spécialité au laboratoire. Nous, on travaille sur carrément les molécules, c'est-à-dire plus les cellules, plus les organismes, mais vraiment les molécules isolées, comprendre l'interaction intime entre ces molécules de l'environnement et leur cible biologique dans les cellules. Mais là, au niveau de la molécule, pour avoir des précisions au niveau atomique de l'interaction entre ces perturbateurs endocriniens et les récepteurs des cellules. Et c'est ce dont... Donc c'est vraiment la combinaison de toutes ces approches qui permettra de mieux comprendre et peut-être un jour... D'avoir une sorte de maillage épistémologique autour de ces questions. Mm-hmm. Mais vous allez nous parler, William Bourguet, de vos travaux précisément au niveau moléculaire et cellulaire dans un instant. Chemical trail. Place de Mr. Kraft sur France Culture à 16h32, puisque nous parlons de l'effet cocktail de ces nombreux produits chimiques, 100, 150 000, cette soupe de produits chimiques que décrivaient nos deux invités tout à l'heure, dans laquelle nous baignons tous. Nous en parlons donc avec Barbara Domenech, qui est biologiste, professeure de physiologie au Muséum National d'Histoire Naturelle, et avec William Bourguet, qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Hérault à Montpellier, qui est directeur de recherche INSERM au Centre de Biochimie Structurale à Montpellier. Donc, parlez-nous précisément alors de vos travaux, puisqu'on a parlé un peu du modèle animal, on a entendu dans le reportage le modèle cellulaire, notamment les cellules sexuelles et les cellules testiculaires chez le fœtus. Concrètement, que se passe-t-il, qu'avez-vous pu voir au niveau moléculaire, William Bourguet, dans vos études? Alors, au niveau moléculaire, nous travaillons dans le laboratoire sur une famille de protéines qui est extrêmement importante et qui est impliquée dans la plupart des grandes voies physiologiques humaines ou animales, qu'on appelle les récepteurs nucléaires. Donc nucléaire, c'est parce que ces récepteurs se situent dans le noyau des cellules. Et quand ces récepteurs lient une petite molécule, alors ça peut être souvent des hormones, des métabolites ou bien des vitamines, quand ces récepteurs sont activés, ils vont se lier à l'ADN et ils vont régler la synthèse de gènes qui sont importants pour telle ou telle fonction physiologique. Et donc ce qu'on comprend bien, c'est que comme ces récepteurs vont lier des hormones qui sont des petites molécules, certaines molécules de l'environnement vont pouvoir avoir un mimétisme moléculaire, si vous voulez, et se substituer à ces hormones naturelles pour perturber le fonctionnement normal des récepteurs nucléaires. Donc nous, on travaille sur cette famille. Et donc l'expression des gènes. Si vous voulez, le système hormonal est un système qui est extrêmement bien régulé dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'un récepteur, notamment pendant la grossesse par exemple, doit être activé à un moment donné et dans un type cellulaire ou dans un tissu particulier. Lorsque vous êtes soumis à l'effet des perturbateurs endocriniens, c'est quand vous êtes imprégné, c'est-à-dire c'est à n'importe quel moment et dans n'importe quel tissu que le récepteur est activé. Je prends souvent l'analogie avec un orchestre philharmonique où chaque instrument doit jouer sa partition à un moment bien précis. Et si ce moment est décalé dans le temps, évidemment, ça va être la cacophonie et puis l'œuvre musicale sera complètement dénaturée. C'est exactement la même chose qui se passe quand un perturbateur endocrinien vient modifier le fonctionnement normal du système hormonal. Donc ça, c'est sur l'effet des perturbateurs endocriniens sur ces récepteurs nucléaires. À quel moment, ce qu'on décrit depuis le début de cette émission, c'est-à-dire l'effet cocktail, entre-t-il en jeu? Comment est-ce que vous l'avez identifié et analysé? Voilà. Donc on a voulu, parce qu'il y avait assez peu, il y a très peu de mécanismes, il n'y a pas de mécanisme connu jusqu'à maintenant de l'effet cocktail. Et l'effet cocktail, en gros, c'est effectivement mélanger plusieurs molécules en même temps et voir si elles ont un effet supérieur à celui qu'elles auraient si elles étaient testées individuellement. Donc nous, tout bêtement, on a pris on a pris 50 molécules qu'on a mélangées deux à deux, c'est-à-dire qu'on a fait des mélanges binaires, et on les a testées pour voir leur activité sur un des 48 récepteurs nucléaires. Donc on a travaillé, nous, sur le récepteur PXR, qui est un récepteur qui est très important. Hein, le rôle de ce PXR dans les cellules, bon, il y en a plusieurs, mais le mieux connu, le plus intéressant, c'est qu'il est là pour protéger l'organisme des agressions justement des molécules toxiques. Donc quand ce récepteur a une grande poche, si vous voulez, c'est comme c'est une protéine avec une grande poche à l'intérieur, et des molécules de l'environnement peuvent venir se lier à ce récepteur et l'activer. Et quand ce récepteur est activé, il induit toute la synthèse de gènes qui sont importants pour la détoxification de l'organisme, comme des cytochromes ou des molécules membranaires qui vont permettre d'évacuer les molécules toxiques, chimiques, dans les urines ou dans les fesses. Voilà, donc on a pris ce récepteur-là parce que c'est une cible importante des molécules environnementales, et en plus il a une grande poche de liaison qui permet, donc on s'est dit que si on veut avoir une chance d'avoir plusieurs molécules dans une poche, autant travailler sur un récepteur qui a la grande poche possible. Donc on a travaillé sur ce récepteur-là. Et qu'avez-vous vu? Et donc on a testé ces 50 molécules en combinaison 2 à 2, Et sur les 780 ou 740 combinaisons, on a vu une combinaison de deux molécules qui avait un effet synergique, c'est-à-dire plus qu'additif. C'est-à-dire que si vous ajoutez les deux molécules ensemble, donc vous avez 1 plus 1 égale 2, et bien là, au lieu d'avoir 1 plus 1 égale 2, on avait 1 plus 1 égale 100. C'est-à-dire que l'affinité des deux molécules ensemble était 100 fois plus importante que l'affinité des molécules séparées pour ce récepteur. Donc ça, c'est exactement la traduction au niveau cellulaire et moléculaire de ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire que deux molécules ensemble, d'un seul coup, ont un effet potentialisé, beaucoup plus important. Voilà, c'est plus qu'additif en fait, hein, si vous voulez, parce qu'un effet additif, c'est sûr que si vous mélangez deux fois plus de molécules, vous allez avoir deux fois plus d'effet. Ça, c'est un effet, c'est une règle à peu près admise par tout le monde. Ce qui est moins facile à démontrer, c'est l'effet cocktail, l'effet synergique, c'est-à-dire que deux molécules ensemble ont un effet qui est vraiment potentialisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas 1 plus 1 égale 2, vous avez 1 plus 1 égale 100 ou 50. Barbara Donc ça, c'est effectivement ce qu'on a montré in vitro. Oui, alors à ceci, et c'était déjà assez inquiétant qu'il peut avoir ces poches dans certains récepteurs qui lient plusieurs molécules. À ceci, on peut ajouter le fait que, par exemple, William et ses collègues ont étudié le PXR, qui est une grande poche, d'autres molécules, d'autres récepteurs, par exemple ceux des hormones thyroïdiennes, ont une poche beaucoup plus restreinte, beaucoup plus précise pour l'hormone thyroïdienne. Et ce n'est pas par cette méthode-là que les perturbateurs endocriniens jouent. Ils vont jouer sur la production de l'hormone et la variation dans les taux d'hormone. Et donc en amont de ça, en amont de la poche. Bien voilà. En amont. Par exemple, il y en a certains qui vont interférer avec la prise de l'iode par la thyroïde, d'autres sur les mécanismes de feedback négatif au niveau de l'hypothalamus ou de l'hypophyse, etc. Certains au niveau du barrière encéphalo... l'entrée des hormones thyroïdiennes dans le cerveau, etc. Et puis, il ne faut pas oublier à ceci, toutes ces variations de taux d'hormones, toutes ces variations ils vont affecter le fonctionnement de l'hormone thyroïdienne, le récepteur de l'hormone thyroïdienne, le récepteur va avoir un effet épigénétique. Et c'est comme ça que beaucoup de ces molécules dans l'environnement vont changer, pas la structure du gène, évidemment. Mais son expression. Mais la manière dont les gènes sont exprimés, et c'est ça qu'on veut dire. Le problème, c'est les effets épigénétiques, et c'est justement un grand défi pour les scientifiques, c'est de comprendre ces effets épigénétiques et éventuellement la transmission de l'information des générations futures. Alors, j'ai deux questions sur vos travaux, William Bourguet. Vous nous avez dit que le rôle de ce récepteur nucléaire PXR, c'était finalement de provoquer des réactions pour évacuer les molécules toxiques de l'organisme. Alors, j'ai envie de vous dire, finalement, si l'effet cocktail que vous avez identifié, ça potentialise l'effet d'évacuation des molécules toxiques, c'est pas très dangereux. Au contraire, ça détoxifie encore plus le corps. Oui, alors ça c'est le côté positif de l'action de PXR, mais une suractivation, on sait qu'une suractivation de ce récepteur peut avoir également des effets négatifs. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les interactions médicamenteuses. Vous savez que on est souvent un peu surmédicalisé, avec plusieurs prises de médicaments de manière concomitante. Et une molécule qui va activer le récepteur PXR va pouvoir, diminuer l'efficacité ou bien du traitement lui-même ou bien du traitement qu'on va prendre en parallèle. Parce qu'en activant le récepteur PXR et en activant tout ce système de détoxification, la deuxième molécule que vous prenez en même temps que la première va être elle également dégradée et éliminée. Et on sait très bien que, par exemple, certaines femmes qui sont sous contraceptif et puis qui prennent un anticancéreux, par exemple, qui va activer PXR, ces femmes-là ont un grand risque, par exemple, de tomber enceinte. C'est pas forcément c'est un des exemples qui est connu et qui a déjà été montré que la femme qui va pouvoir donc sa contraception va être annulée par l'effet de la prise du médicament par l'activation du système de détoxification de l'organisme. Donc il y a tous ces effets interactions médicamenteuses qui sont importantes. Et on a aussi remarqué que certaines hormones sont métabolisées par cette voie activée par PXR, notamment tout ce qui est les hormones stéroïdiennes. Et donc, on peut avoir un déséquilibre dans tout ce qui est l'homéostasie, enfin les concentrations d'hormones circulantes ou dans l'organisme qui peuvent chuter et donc qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la santé. On a vu également que le récepteur PXR, lorsqu'il était activé, pouvait augmenter l'agressivité et la prolifération de certaines cellules cancéreuses. Donc, il y a un effet négatif de l'activation de ce récepteur également. On a pris ce récepteur aussi comme modèle d'étude, si vous voulez. Mais je pense que le mécanisme qu'on a vu doit pouvoir s'appliquer sur d'autres récepteurs nucléaires parce que tous les récepteurs nucléaires fonctionnent un petit peu sur le même principe. C'est-à-dire qu'ils ont tous une poche qui est plutôt hydrophobe et qui va être capable de lier une ou plusieurs molécules. Alors les poches peuvent être éventuellement plus petites, mais quand on sait qu'il y a une extrêmement grande diversité chimique des composés, hein, puisqu'on a dit 100 ou 150 000 molécules dans l'environnement qui ont des tailles extrêmement variables et des structure chimique également extrêmement variable, il est tout à fait possible de trouver plusieurs molécules de plus petite taille qui vont pouvoir aller cibler différents types de récepteurs et donc avoir un effet cocktail sur tout un tas de récepteurs différents. J'ai une autre question concernant vos travaux, si j'ai bien compris. William Bourguet, vous dites que sur les 740-750 associations de molécules que vous avez testées, il n'y en a qu'une seule qui a eu un effet potentialisé ? Oui, qu'une seule association, ça, oui. D'accord. Oui. Alors, on peut pas tirer de statistiques hein, de nos études parce que l'échantillon est vraiment trop faible. Donc, pas moyen de. Mais enfin, ça veut dire que sur les 50 molécules, il y en avait deux qui étaient capables de rentrer en synergie, ce qui est déjà pas mal. Ça fait déjà un bon pourcentage. Oui, bien sûr. Ce qui est une preuve moléculaire de cet effet toxique, de cet effet cocktail, qui d'ailleurs, là, je parle sous votre contrôle, William Bourguet, mais vous êtes la première équipe à l'avoir montré comme ça, de manière à ce niveau-là d'interaction, en tout cas à ce niveau cellulaire. Aussi au niveau de finesse, même au niveau moléculaire, première démonstration. Oui. Ça m'amène à cette autre question qui est aujourd'hui, il y a un vrai débat. On sait que certains hommes politiques se sont emparés du sujet. Il y a un vrai débat autour de ces effets cocktails sur certaines populations, notamment sur les populations d'agriculteurs qui sont très exposées à beaucoup plus hautes doses, à des pesticides, à des biocides, et dont on sait qu'ils développent un certain type de pathologies surnuméraires par rapport à la population générale. Se pose un problème finalement aujourd'hui de maillage, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire de dire sur des maladies multifactorielles, on arrive à isoler, on comprend ces mécanismes, on commence à les percevoir, comme vient de l'expliquer William Bourguet. Pour autant, il est difficile d'établir de la causalité scientifique pure, irréfutable, qui serait une preuve tangible de l'effet de ces molécules et de ces effets cocktails, Barbara Domenech. Oui, là, il faut effectivement faire référence à Bradford Hill, qui a été le premier à montrer l'effet ou postuler l'effet, le lien entre le cancer du poumon et le fait de fumer. Et il a établi une douzaine de critères qu'on devrait observer si on veut faire ce lien. Et c'est-à-dire une exposition qui précède la maladie, etc. Et dont une des choses particulièrement importantes, qu'il a dit un mécanisme biologique plausible. Et voilà, donc si nous on regarde les maladies neurodéveloppementales et on connaît l'importance des hormones thyroïdiennes pour le développement du cerveau, on a un mécanisme plausible quand on voit qu'un produit allogéné peut interférer ou bloquer la production des hormones thyroïdiennes. Donc, ou provoquer au niveau du foie un métabolisme accru et donc une baisse des hormones thyroïdiennes circulantes chez la mère. Et donc, on a des mécanismes plausibles pour expliquer. Alors, on ne va jamais avoir tous les mécanismes étalés l'une par l'autre. C'est ce qu'on essaie de faire au niveau de l'OCDE. On essaie de développer des méthodes pour comprendre comment une molécule va agir du début de son initiating event, comme on dit, jusqu'à l'effet adverse qu'on observe. Mais c'est difficile d'établir. Mais il faut y aller. Mais en attendant, quand on est certain qu'il y a une molécule qui a un effet dans l'environnement, qu'on a entrecoupé les données d'épidémiologie et des données chez l'animal, souvent c'est comme ça qu'il faut faire, eh bien, il y a le principe de précaution. Et il faut l'appliquer plus souvent. Et il faut éviter les substitutions regrettables, comme on a fait avec le BPA. Le bisphénol A, oui, qui a été remplacé par d'autres formes de bisphénol F ou voilà, le bisphénol S. Qui sont au moins tout aussi toxiques, si ce n'est plus. Tout à fait. Donc, il faut éviter ça. Oui, William Bourguet, sur ces obstacles méthodologiques et épistémologiques pour réussir à aboutir finalement à une preuve scientifique irréputable aujourd'hui de ces effets cocktails et de leur toxicité sur l'ensemble des pathologies que vous avez décrites l'un et l'autre avec Barbara Domenech. Oui, effectivement, c'est assez compliqué. On bute très souvent sur un problème de faisabilité pratique, hein, de tester autant de molécules et leur combinaison. Donc, nous, en parallèle à nos travaux expérimentaux, on développe et en s'appuyant sur ces résultats expérimentaux, on développe des méthodes bioinformatiques pour essayer de prédire les effets des molécules environnementales sur les récepteurs nucléaires, donc sur les 48 récepteurs nucléaires. Donc le but ultime de nos recherches là, c'est de dire voilà, j'ai une molécule chimique là, j'ai sa structure, je la rentre dans l'ordinateur et je voudrais savoir quel récepteur, est-ce qu'il y a un récepteur, un des 48 récepteurs ou plusieurs de ces récepteurs qui vont être la cible de cette molécule, et est-ce que ça va être des cibles importantes avec une forte activité de ces molécules sur les récepteurs ou pas. Et donc pouvoir prédire si telle ou telle molécule de l'environnement aura un impact sur la santé humaine. Donc ça, on développe ces méthodes qui sont assez difficiles à mettre au point parce que les récepteurs nucléaires sont la poche est tout à fait plastique, elle se déforme assez facilement, et donc de prédire la liaison d'une petite molécule dans cette poche et d'en prédire son affinité, hein, c'est-à-dire la capacité avec laquelle cette molécule va se lier dans la poche, ou fortement ou faiblement. Tout ça, c'est des choses qui sont des travaux qui sont en cours, mais qui sont encore à l'état de la recherche. Et on essaye surtout de développer un outil qui soit fiable, hein, sur lequel on puisse vraiment s'appuyer après pour tirer des conclusions et pour peut-être prioriser aussi les molécules qu'on aura à tester expérimentalement ou sur l'animal ou sur des cellules. Donc ça, nous travaillons là-dessus, que ce soit pour tester les molécules individuellement ou pour ensuite tester les mélanges. Mais ça, c'est encore une autre étape à franchir. Oui, parce que outre le problème de l'exponentialité du nombre de mélanges possibles sur ces 150 000 molécules dans lesquelles on baigne, on voit bien, et on a entendu Barbara Domenech, qu'il y a donc là, évidemment, la question de la dose, mais il y a la question de la durée d'exposition qui est très importante, parce que ce sont souvent des expositions à bas bruit. On ne mange pas du bisphénol par kilo tous les jours, mais évidemment, sur l'ensemble de la vie, il y a le problème de l'âge, il y a le problème des effets transgénérationnel, il y a le problème des effets de bioaccumulation, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un certain nombre d'obstacles méthodologiques qui sont des obstacles importants pour pouvoir progresser et affiner notre connaissance sur ces effets. Les différents tissus qui expriment différents récepteurs à différents moments, et surtout le cerveau où on a la plus grande complexité des différentes structures qui contrôlent différentes fonctions. Juste l'hypothalamus qui est extrêmement cible. On a montré des effets du BPA, par exemple, bisphénol A, sur à 10-11 molaires sur la formation de l'hypothalamus chez des rats. Ok. Encore chez des modèles animaux, oui. Mais quand même, ça pose la question de qu'est-ce que c'est en train de faire, les expositions continuelles que nous voyons chez l'être humain. Et surtout dans le contexte des cocktails. Et donc, c'est vraiment un problème difficile. C'est difficile maintenant pour tester, parce que on sait déjà que aujourd'hui, comme on a dit plusieurs fois dans cette émission, en ce moment, on teste chaque molécule individuellement. Est-ce qu'on devrait commencer à faire un mélange standard auquel tout le monde est exposé et tester une molécule nouvelle sur cette mélange? Mais non, parce que tout le monde n'est pas exposé de la même manière. Un agriculteur, vous l'avez dit, n'est pas exposé à le même type de produit que quelqu'un qui habite dans une ville, etc. etc. Donc les particules fines, les polluants dont on n'a pas parlé, qui font partie de cette soupe chimique. Voilà, c'est extrêmement difficile. La question, en termes d'épidémiologie, est-ce qu'il y a des liens qui aujourd'hui paraissent plus évidents ou peut-être plus faciles à tester expérimentalement que d'autres face à un certain nombre de pathologies? Je pense qu'on en a parlé ici sur la baisse de production de spermatozoïdes chez l'homme. William Bourguet, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a en tout cas une corrélation suffisamment forte pour penser qu'elle est liée à cette exposition aux perturbateurs endocriniens ou aux effets cocktails. Je pense à celle-là, mais ça peut être d'autres types de pathologies chez les agriculteurs, je ne sais pas. Oui, alors là, je ne vais pas avoir l'autorité pour vous répondre dans ce domaine-là, parce que je ne suis pas du tout épidémiologiste. Peut-être que Barbara aura une réponse plus... Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'articles maintenant qui sortent, des études qui datent. Bon, avec l'épidémiologie, le problème, c'est que les études sont extrêmement longues. Hein. C'est sur la durée, hein, c'est 5-10 ans. Donc, au bas mot. Bon, les résultats arrivent et donc on commence à mieux cerner. Et effectivement, je pense qu'il y a des corrélations qui sont quand même très très fortes entre... certains composés et certaines pathologies, dont celles que vous venez de citer à l'instant. Corrélation n'étant pas causalité, oui, par exactement. Ailleurs. Et d'où l'importance de prendre en compte les critères de Bradford Hill, où il faut un mécanisme biologique plausible, et il faut entrecouper les données de l'épidémiologie avec les données sur l'animal ou sur les cellules, etc., ou in silico, et avec ces jeux de données, c'est tout un panel de données qu'on va décider si oui ou non il y a un effet plausible biologique et si oui ou non il faut appliquer, par exemple, le principe de précaution. Aujourd'hui, est-ce qu'il vous semble, compte tenu de la complexité que vous venez de décrire et qu'on entend bien, qu'on comprend bien sur la recherche sur ces effets cocktails et sur leurs conséquences, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience, un effort de recherche au niveau européen, pour parler de ce qui nous entoure, suffisant? Je pense notamment au projet européen Euromix. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est suffisant, Barbara? C'est pas suffisant, malheureusement pas. Hein. Et nous, on est dans un autre projet, EDC Mix Risk, Endocrine Disruptors Chemicals Mix. Perturbateur endocrinien. Oui, c'est ça, perturbateur endocrinien. Et on a fait des mélanges, on a fait de l'épidémiologie, on a constaté l'exposition des femmes enceintes. Et on a vu les effets adverses sur les enfants, le petit poids à la naissance, le poids faible à la naissance ou un problème de retard de langage, etc. Et ensuite, on a pu faire un croisement de des données d'épidémiologie avec et faire un mélange qu'on a testé sur des différents modèles animaux. Et avec ça, on peut améliorer la prédiction de risque. Mais il faut dire que l'Europe a quand même fait maintenant un appel d'offres, 52 millions qu'ils ont mis sur la table, ce qui peut sembler beaucoup, mais quand on voit le coût des perturbateurs endocriniens et les maladies non infectieuses, bon, voilà. Donc 52 millions, c'est déjà ça, et c'est pour tester de nouveau des molécules seules. Et il n'y a pas moyen de... aborder cette question parce qu'on n'a pas les outils actuellement, à part des algorithmes, etc., pour tester les combinaisons. Les modèles bioinformatiques dont parlait William Bourguet tout à l'heure. William Bourguet, sur cette question de l'effort de recherche. Oui, effectivement. On a quelques financements sur le problème, mais je pense que au niveau français, ce serait intéressant, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est un problème extrêmement compliqué qui met certainement en œuvre les efforts de plusieurs laboratoires qui ont des techniques complémentaires et très différentes, ce qui fait qu'il faudrait avoir, ne serait-ce qu'en France, des possibilités de pouvoir financer, d'avoir des gros financements qui permettraient de financer des consortiums plus gros que ce que peut faire l'ANR actuellement, l'Agence nationale de la recherche, relativement limité au niveau des budgets. Et là, il faudrait certainement avoir la possibilité d'avoir une flexibilité plus importante avec des petits financements bien ciblés, avec une technique particulière, mais également avoir des consortiums qui sont beaucoup plus gros, ou, comme le disait Barbara, mélanger des épidémiologistes, des biologistes cellulaires, des structuralistes, des bioinformaticiens. Et ça, ça fait des gros consortiums qui sont pas réellement pris en charge actuellement par l'Agence nationale de recherche. Et peut-être que, comme c'est vraiment un problème qu'il faut attaquer de tout part et de tous les côtés avec des techniques très différentes, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être important pour ce domaine. Barbara Domenex. Oui, ben l'Europe a commencé avec différents projets, comme on a cité, et puis en ce moment il y a quand même ce gros projet HBM4U, c'est-à-dire Human Biomonitoring for Europe, où on est en train de mesurer l'exposition à des multiples produits chimiques, mais c'est quand même, ça coûte cher déjà. Très, très, très cher. Et on va avoir un spectrum, un assez petit échantillon de différentes personnes et l'exposition de ces personnes à un certain nombre, une dizaine, éventuellement une vingtaine de substances chimiques. Mais comme on a dit, qu'il y en a beaucoup plus auxquelles ils pourraient être exposés. Donc, c'est vraiment le tip of the iceberg, comme on dit en français. La partie émergée de l'iceberg. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci William Bourguet. Merci à nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier pour le duplex. Merci Barbara Domenech. Je rappelle, entre autres, Un cocktail toxique aux éditions Odile Jacob et le lien entre les perturbateurs endocriniens et le développement notamment fœtal et cérébral. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à l'équipe de La Méthode Scientifique. Tamim Denstock, Antoine Beauchamp, Céline Lozen et Vétienne Nominaguet de Saint-Villefranc, Olivier Bétard à la réalisation. Et lise-le à la technique. Et on jette un œil à ce qui vous attend dans les prochains épisodes de La Méthode Scientifique. Demain, nous parlerons de tectonique des plaques. Mercredi, il sera question de l'or nanométrique. Jeudi, nous vous raconterons une histoire de la variole. Et puis vendredi, ce sera comme un vendredi sur deux, une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Voilà, on se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.